Vous cherchiez à vous faire tuer hier soir, non? Anna, on va pas. Et je suis arrivée juste à temps pour vous sauver la vie. Vous croyez que c'était une coïncidence? Arrêtez maintenant. Arrêtez. S'il m'envoyait ici, c'est qu'il y a une raison. Neville, le monde est plus calme aujourd'hui. Il suffit d'écouter. Si on écoute, on peut entendre ce que Dieu a prévu. Obsession, obsession, frère, j'en m'en possession, possession, cette magnifique plume. J'exploite toutes ses compétences afin qu'il n'ait plus aucune lacune avec elle. Je trace mon parcours, je fais des grosses sessions, j'étudie hier. J'ai gratté jusqu'à 3 du mat et aujourd'hui je débarque avec un nouveau truc. Nouvelle expérience qui était très enrichissante. M'amuse, ouais mec, je fais ça avec amour et je m'enrichis sans tartine en dentiste. Petit air de piano qui me fait vrai le cerveau. J'inverse les lettres, ne m'appelle pas balance, mais plutôt verso. Leader, traceur, rappeur, briqueur ou graffeur, plein. Importe, on est tous sous les derrières. L'architecte, je suis de l'archi-sexe. On est trop de clients, on money, money days. Mec, t'es archi-architecte, mais ce check à chacun tes couplets. Va les valider, mais va les valider. À cette sublime plume que tu l'aimes. À la folie, Angelina peut partir se coucher. Car ma plume est bien plus jolie. Je balance ma prosely. Prends-moi celle-ci, t'assassine. Clion et l'architecte, des assassins et un cul entre deux 16. Normal que l'on ne trouve pas de place assise. Obsession, obsession, obsession. Obsession, obsession, d'être bon dans les sessions. Rap et improvisation, de textes en condensation. Content de l'action, que mène ma plume grâce à l'encre, en contemplation. Quand je sais les plumes, c'est pas ce langue. Donc je me recentre, je rentre, j'ai ventre, le ventre des cancres. Entre temps, je défends dans mon camp quand la concentration s'étend. Et tant que la possession sera de mon côté, les dents et les beaux poissons ne seront pas mon côté. Tout ce qu'on dit ne fit pas, si l'envie de nos pas n'a pas d'appât. En direction des rêves que l'on voit, sans ça, pas grand chose de sensationnel. L'absence d'essence, de naissance, d'essence devient rationnel. Amour passionnel avec la rime, mon moyen d'expression. Déployer ses ailes, ça lui arrive quand vient la pression. Je voudrais que l'impression d'une lettre B en 3D donne l'impression qu'elle existe en réalité. Ouais, l'impression qu'elle existe en réalité. L'architecte God Fellé, c'est pour mes God félins. Ouais mec, je fais ça au God Feeling. Obsession, obsession, ne viens pas, hausse le ton, contre mon poids. Il y a des grosses questions, qui te percute le crâne, tel un gros caisson, notre pose est monstrueuse, on voit, ce sont des projets sombres. Obsession, obsession, ne viens pas, hausse le ton, contre mon poids. Il y a des grosses questions, qui te percute le crâne, tel un gros caisson, qui te percute man, tandis que l'on vient de croquer le son. Obsession, obsession, viens pas hausser le ton quand on pose. Il y a des grosses questions qui te percutent le crâne, tel un croquer son, petit percute man, quand on dit que l'on vient de croquer le son.